le cours du ruina. Quand y'a des fois tu me fais le bizarre. Fais pas le gros avec ton cigare. Voilà qu'on s'est manié les armes depuis mino. Tu dois des sous, tu fais le feta. Fais pas le clochard pour un pétard. Coucou, appel de phare. On parie combien qu'est fini dans le merco. Elle t'a tapé dans le mille. Sans gros boulet magique. T'es devenu fragile. Et pour elle tu refuses de wallow. Elle t'a tapé dans le mille. Sans gros boulet magique. T'es devenu fragile. Et pour elle tu refuses de wallow. Tu refuses de wallow. Pour elle tu refuses de wallow. Tu refuses de wallow. On arrive à 37, on se laisse aller. Jack sec, la note sera salée. C'est le 27, quand je te paye ton loyer. Jet set, j'ai de quoi les noyer. Plan sexe, c'est tout ce qu'il me fallait. T'as vu ma tête, je suis bancard à cahier. J'ai des plaquettes, des bancards détaillés. Hashtag, je vais les finir cette année. Ok. Que tu te ruines pour du ruina. Quand y'a des fois tu me fais le bizarre. Fais pas le gros avec ton cigare. Voilà qu'on s'est manié les armes depuis mino. Tu dois des sous, tu fais le fêtard. Fais pas le clochard pour un pétard. Coucou, appel de phare. On parie combien qu'est fini dans le merco.